L'agonie, livre 2, chapitre 3. Sur un lit à colonnette de bronze, Madé restait étendue, avec seulement une robe aux manches retombantes, les pieds nus, la chevelure frisottée, gardant un fort parfum de verveine. L'amulette pendait sur son creux de poitrine, bombée comme celle d'une vierge, et, machinalement, il la faisait osciller d'une main dont les doigts se chargeaient d'anneaux d'or. Dans une langueur mortelle, il était allé de son appartement à l'atrium, puis au péristyle, puis au jardin. Un jardin grand comme une toge, mais mystérieux et profond, qui avait des arbres et des fleurs, lui rappelant le pays aimé. Là, sur un trône de marbre, des heures entières, ses yeux s'emplissaient d'un mirage de verdure, où des éclairs de soleil jouaient comme des remuements de glaive, savourant un commencement d'anéantissement, vite rompu par l'impatience de ce dehors à lui interdit. Pourquoi donc a-t-il eu ainsi? Il ne l'avait jamais connu tel. Maintenant, il le gardait jalousement, comme s'il eût souffert de le savoir à l'âge où la nubilité débordante se réveille en une nouvelle vie. Certes, Madé regrettait toujours son Orient, ses palmiers, ses salsolas, ses cactus, ses escaliers de temples et de palais, gravis par des prêtres comme lui et des empereurs comme Elagabalus, entourés de personnages portant des parfums et des étoffes dans des plateaux de vermeil. Et cette vie de là-bas, touchant le seuil d'un impersonnalisme qui est presque de l'éternité, combien il la rêvait revivre avec Attilius, arraché à son vertige du culte nouveau. Combien il la rêvait revivre avec Attilia, entrevue souvent au palais des Césars. Et avec ses désirs ne se dressait plus, maintenant qu'un endormement semblait se faire en lui par l'accoutumance, mille ombres d'indépendance sauvagement meurtrie. Mais au contraire, une soumission d'être qui n'a d'autre horizon que des regards et des sourires aimés. Car Madé, malgré l'éclair de conscience et de divination, unique depuis, dont Gaël avait été le témoin attendri, ne voyait plus au-delà de son sacrifice à Attilius, de cette affection lui paraissant éternelle, parce qu'elle lui était charnelle. Se croyant procréé pour l'avènement de l'androgyne, il se voyait désormais l'intermédiaire de la femme et de l'homme, mixte pour les deux sexes, une sorte d'essai du principe de la vie pour la forme définitive de l'être futur qui aurait les deux sexes et s'engendrerait de lui-même, comme Attilius le lui avait appris. Prostré sur son lit, il l'attendait, peu soucieux de s'entremettre avec la familia, le tas d'esclaves qui, régulièrement, vaquait au bon ordre de la maison. Il leur était supérieur par l'instruction et l'entregent, par la peau plus fine et les yeux plus beaux. Il était plus qu'eux en sa qualité d'affranchi. Il ne les condamnait même point, ne connaissant ni leur nom, ni leur patrie, ni leur religion, et ne s'en souciant. Un bruit de pas le secoua. Entr'ouvrant précipitamment la portière, en un tumulte de couleurs pourpre et or, en une sonnerie de joyaux et de pierreries ballant au col, aux poignets et aux chevilles, en un vêtement de soie rayonnante qui laissait apparaître des morceaux de sein et de croupe blanc, des pans de cuisses sveltes et de ventre légèrement bombés, se montra Attilia, derrière elle l'apparition de la vieille éthiopienne, coiffée d'une étoffe rouge qui les laissa seules. Elle ne parut pas interdite, elle ne fut pas hésitante. Avec un grand rire qui remua ses parures, elle s'assit dans une cathèdre, une jambe en avant, provocante, et son regard violet se fixa sur Madée, debout sur le lit, et confus. Ce qui lui était extraordinaire, quoique dû l'habituer à tout l'empire de la pierre noire, était la grande liberté d'Attilia, qui, échappée aux gynécées, malgré que vierge encore, prenait des allures de femme, les allures de Sémias, sur qui elle se modelait. Car Sémias non seulement se satisfaisait à se livrer à tous, mais présidait depuis longtemps un sénat de femmes, le Sénaculum, dans la région Alta Semita, où elle discutait sur l'amour, sur les joyaux, sur les vêtements et les coiffures, sur les couleurs, sur les chevaux, sur les litières et la façon de les orner et de les conduire. Attilia avait retiré de cette éducation un effrontement et une impudité de prostituée. En elle papillotaient des lascivetés, retentissaient, multipliaient des baisers qu'elle croyait d'amour. Des virilités s'érigeaient sous ses yeux abérés. Comme elle, à Rome, c'étaient des milliers de vierges déjà savantes, et libres et dégagées du gynécée, qui armaient leur sexe contre l'homme, même jusqu'à s'isoler de lui, comme le faisait l'homme à l'égard de la femme, pour reconstruire aussi, au fond des temps, l'androgyne, mâle et femelle à la fois. Très gracile Attilia, très nerveuse et électrisante, avec, dans le regard, une lueur d'égarement qui rappelait Attilius, comme si le surmènement de sa vie flottant en de l'artificialité l'eût déséquilibré. Son frère, l'ayant laissée dans l'ignorance de sa maison des Carènes, où elle brûlait de voir Madée, que sa volupté intime humanisait en un être d'elle rapproché par de mystérieuses affinités, fin, parfumé, nullement l'homme grossier qu'une excessive imagination lui créait, elle avait ordonné à l'Éthiopienne de suivre Attilius. À Barra, aux trousses du Primicerius, découvrit bien vite la maison d'où Attilia sut que, depuis quelques mois, Madée ne sortait pas. Alors, dans une litière, se précipitèrent avec Abarra, traversèrent le Palatin, gravirent les voies du Salus, en une furie de deux mules galopantes, harnachées d'or, frappèrent à la porte de la maison fraternelle, fut tout un. Sur le parcours, par les tentures, elle regarda des rapprochements et des bestialités. Des hommes violaient des chèvres effrayées, et, se retournant, brandirent en menace leur virilité saignante. Des femmes, couchées sur des femmes au travers d'escaliers de temples, appelaient d'autres femmes et débordaient la promiscuité mâle aux chairs ignobles et aux mouvements avilissants. Et cela la fit rire fort, Attilia, surtout à voir bien devant elle des femmes renverser des hommes qui, entièrement restés nus sous elle, vaincus dans la lutte de passion et le sexe interverti. C'est les yeux pleins de ces délires qu'elle se présenta à Madée, entrevoyant un amusement à deux, des agaceries de vierges qui cessaient à la sexualité. Des reniflements de plaisir seulement effleurant la peau. Hé, Madée, tu me regardes avec les yeux de ton crocodile. Anime-toi, anime-toi, adolescent. Vois-moi. Je me suis échappée du Palatin avec Abarra pour te causer, pour rire avec toi, te distraire, adolescent, et me distraire avec toi. Viens. Conduis-moi dans les appartements de mon frère Attilius, que je les connaisse enfin. J'ai vu un paon qui faisait un éventail de sa queue, et un singe qui m'envoya une grimace, et des esclaves qui se sauvaient, et un janitor qui s'ébahissait à me considérer. Qu'est-ce qu'il me voulait donc, ce janitor? Je lui conseillerais de baiser les lèvres d'Abarra pour se contenter, celui-là. Elle se leva, s'accola à Madé, lui prit une main qu'elle porta à sa bouche et, en un éclat de rire, « Oh, tu sens bon comme moi !» Et elle lui mit sous le nez son poignet, le forçant à en renifler la peau et lui remontant même le nez d'un mouvement brusque. Puis elle se rassit, mais sur le lit de Madé, et, lui reprenant la main, elle le voulut à ses côtés. Une de ses jambes se découvrit à moitié, blanche avec des anneaux d'or à la cheville, par-dessus les cordelettes des sandales de feutre doux. C'est à étonner comme cette jambe est jolie. Les bains et la pierre ponce ne l'abandonnent pas, s'exclama-t-elle. Il ne pouvait placer un mot, le regard rivé à cette jambe qui se balançait, nerveuse et vibrante, dans un rejet de la robe aux trames versicolores. Subitement, elle la posa sur ses genoux, la découvrant davantage, l'étalant glorieusement jusqu'au haut, avec une trépidation du pied. « Elle est mieux que la tienne, » fit-elle. « Toi, tu ne la montres pas. Qu'est-ce que tu as donc ?» Elle posa sa jambe à terre et obligea Madé, dont elle souleva la robe de soie, à la montrer. Il se laissait faire, ennuyé et passif, comme avec un enfant. Elle voulut aller plus haut. Alors il eut un rire contraint, fit retomber sa robe, se leva, avec un commencement de trouble. « Non, non !» il répétait. « Non, non !» secouant la tête, quittant le lit, pendant qu'Attilia lui courait après. Elle se jeta sur des peaux de panthère empilées dans un coin, croisant les genoux à la mode orientale, ne laissant paraître des deux côtés des cuisses que les bouts recourbés de ses sandales. « Ici, viens, nous allons nous amuser aux osselets. » Mais il n'y avait pas d'osselets dans la maison, et Madé le lui dit. Il s'offrit à en demander au janitor ou à envoyer à Barra chez un marchand du quartier. Attilia lui répondit. « Je ne veux pas rester seule ici. J'ai peur de ton crocodile qui viendrait me manger. » Elle enleva ses colliers, ses bracelets et ses anneaux, les lança en l'air, imaginant des jeux. Elle lui en lança un en riant, qui tomba juste au milieu de ses jambes croisées et qu'elle lui reprit, avec une caresse de la main, une caresse qui fit venir du sang à tout son sexe. Et, comme il la regardait dans les yeux, presque idiot, d'une poussée elle le fit choir sur elle, la tête dans ses seins. Elle se renversait, toujours riant, les reins craquant sur les peaux. Il se dégagea, la laissant sur son dos, la tête pendante, la poitrine maigre rompant le strophium, le large ruban qui retenait les seins. Il voulait partir, puffé à ses agaceries de jeune fille en chaleur, respirer l'air de l'atrium, respirer l'air du jardin, mettre entre eux le témoignage des esclaves qui circulaient dans la maison. Et déjà, il entr'ouvrait la draperie de l'appartement quand elle se releva et le rattrapa, impitoyable, rieuse, infatiguée. Hey, « Hé, qu'est-ce que tu as contre moi, adolescent? Que t'ai-je fait? Nous nous amuserions si bien, si tu voulais. » Elle se rechaussait d'une sandale détachée, le genou très haut sur la cathèdre, avec un écart de jambe inconscient. Et elle riait toujours, les yeux en dessous. « Viens, attache-la-moi, avec les ganses que j'aime, sur le côté. Surtout, ne brise point les rubans. » Docilement, il entoura de bandes le mollet et noua au milieu. Quand ce fut fini, Attilia se pencha toute sur lui et lui cria éperdument. « Porte-moi, enlève-moi, Je veux savoir si tu es homme à enlever une femme. » Elle pesait sur lui de tout son corps, au risque de rouler. Il la porta sur ses épaules, comme une enfant, terriblement énervée. Il ne parlait plus, toujours harcelé par Attilia, qui se complaisait décidément à se faire porter ainsi, car, une extrémité de l'appartement atteinte, elle lui demanda de la porter à l'autre, et, là encore, elle se fit porter en face. Elle sauta enfin sur le parquet, bien amusée, et, son bras à la taille de la franchie, elle lui proposa de se reposer sur elle et même de le porter à son tour. Mais la portière s'entr'ouvrit. Abara parut, avec un rictus crevant ses dents blanches sur sa large face noire d'éthiopienne rusée. « C'est l'heure du départ. Rester davantage serait tout compromettre. Tu es attendu ailleurs. »« Oh, Sénat des femmes !» dit Attilia ennuyée. « J'aurais cependant voulu voir mon frère. Ton frère te verrait avec peine ici. » Elle résistait, mais Madé, plus sage, l'invitait à s'en aller. Ce départ lui fut d'un grand soulagement et d'un grand saisissement. Elle venait d'emplir son horizon de bruit, de rires et de gaieté. Elle éveillait en lui des troubles qui, à la fois, le torturaient et le charmaient. Elle versait en son corps une chaleur énorme de vie et de mouvement. Même ses offres de chair jeune lui sentaient bon. C'étaient des échappées vers une soleilleuse nature d'arbres et de ruisseaux dont il aspira longuement les senteurs. « Je reviendrai, nous nous amuserons encore, et tu me porteras, et je te porterai, et nous jouerons aux osselets, et tu riras comme moi !» lui cria Attilia, qui, en un saut de danse, disparut dans le cliquetis de ses joyaux, le froissement de sa stola et le glissement de ses sandales. « Ne dis pas à ton maître que sa sœur Attilia est venue !» conseilla Abara au portier qui saluait, ravi, alors qu'Attilia, au contraire, lui faisait « Dis à mon frère Attilius que sa petite Attilia l'a attendue et reviendra le voir !»